Et attention, on y retourne les enfants, chaud comme la braise. Le défi de ce soir, c'est celui de Fida. Ouais, hey, comment ça va? Ça va super, c'est chaud ce soir. Alors attention, Gérard est avec Fildar ce soir dans un karaoké, car ce soir, on va jusqu'à 2h du matin avec un débat de Gérard. Et donc Gérard était là dès 21h. Ouais. Il est parti avec Fildar, avec Marco, dans un karaoké, on peut donner l'adresse? Ouais, bien sûr, donc c'est le même patron que l'autre fois, hein, que le grand café de New York. Ah ça y est, c'est ton meilleur copain lui. Ouais, non mais c'est pas celui-là, c'est un autre café qui fait karaoké maintenant, ça s'appelle le Jet Set. Et c'est dans la même rue, mais c'est au 16 rue Linois, dans le 15e. D'accord, très bien. Donc voilà, donc là, il y a du monde. C'est bourré à craquer. Hein. Oh là, ça va être grandiose. Et alors. Donc là, Gérard va s'apprêter à aller chanter Michel Fugain, Une belle histoire. Oh, génial! J'adore cette chanson. C'est chaud. Donc là, il y a un mec qui vient de chanter, donc on met un peu de zik, ça dure une minute, pas plus. Et après, Gérard monte. D'accord. Donc il va y aller, là. Attention. Attention, c'est parti. Tu veux que je passe deux secondes avant, non? Ouais, vas-y, deux secondes avant. Je passe. Merci, Max. Ouais, t'es prêt? Hein? T'es prêt ou pas? Ouais, c'est bon, ça va aller. Tous les auditeurs de Fun Radio sont là de l'autre côté, sont contents de savoir que tu es parti dans un défi avec Fildar et que tu vas chanter en karaoké en direct. Donc, t'as choisi quoi? La belle histoire. D'accord, de qui? De Michel Fugain. Excellent, bah écoute, je te laisse te préparer, chauffe ta voix. Ok. Michel Fugain. Bah, on est en train de caler la chanson, là, chaud. Ah là, c'est chaud. Et Fildar, ouais. Tu vas le rejoindre après? Bah, le problème, c'est que tu vois, moi, je vais rester à côté du portable pour bien qu'on entende sa merde. Ouais. Et puis après, toi, j'irai chanter, le rejoindre, parce qu'en fait, t'as qu'un micro, là, c'est un peu... D'accord. Au niveau technique, bon, c'est pas le top, hein. D'accord, ok. Mais bon, là, pour le moment, on va voir ce qu'il donne, et puis si jamais il galère, parce qu'il me dit, non, mais je la ferai pas entière, hein. Je fais, mais si, tu la fais entière, attends, c'est bon. Et quand tu sens qu'il lâche un peu, viens lui donner un coup de main et monte avec lui, avec Marco, quoi. Ouais, d'accord, pas de problème. Le lâche pas, le GG. Mais attends, c'est son jour de gloire. C'est clair. Il y a sans mentir, facilement 100 personnes. Hein. Oh là. C'est blindé à craquer. Bon, tu vas là, les gars, là? Ah, tiens, en attendant, vous savez ce que c'est, une blonde dans une université? Non. C'est une femme de ménage. Oh, c'est très drôle. Elle est bien. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Chaud, les marrons, chaud. Chaud. Attention, la bête va monter sur scène. Attention, attends, parce que c'est simple. Oh, les gars! Ah, j'ai demandé à Phil, parce que c'est Phil le DJ, ça. Hein. Non, parce que je me suis gouré dans le numéro, c'est pour ça. Ah, ouais, bah Gérard, c'est gouré dans le numéro, comme ça. Ah, d'accord, comme par hasard. Ah, zéro. Je veux dire, Ouais, qu'est-ce que t'as donné comme numéro, toi? La belle histoire de Fugain. Belle histoire! Attends, on est en train de chercher le CD. Ah, je le vois, je le vois. Moi aussi. Allez, c'est bon, vas-y. Bon, il y va, il monte sur scène. Gérard, en direct d'un karaoké, nous chante la belle histoire de Michel Fugain. Attention. Gérard de Fun Radio. Vous avez parlé tout à l'heure du parti d'équipe de Fun Radio qui était parmi nous. Bah, voici, je suis comme vous l'encouragez, ce qui est comme les autres. Monsieur Gérard. Deux pauvres applaudissements. Vous entendez bien là? Ouais. Les mecs ils vont s'inquiéter, ils vont dire c'est ça les mecs de Fun? C'est une belle chanson. C'est une belle histoire. Putain, les chants de déco, les DJ, vous entendez? Et là, attention, vous avez dit, l'équipe de Fun est dans les parages. Attention. Il est magnifique. Attention, c'est parti. Oh, la patte folle en l'air, la patte folle en l'air. Oh, fallait le caméscope pour ça, putain. Tout le monde se marre. Ah, tout le monde chante avec lui, c'est beau. Ah, c'est bon. Oh, Gérard, de Suresnes. Ah, il change de parole.